الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أو جون فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est donc venu dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari ainsi que celui de l'imam Muslim un hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui dit que un docteur parmi les savants des gens du livre est venu trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Faqala lahu ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'al as-samawat anna Allah yaj'al as-samawati fi isba' wal aradin fi isba' والشجر في إصبع والماء والثرى في إصبع وسائر الخلائق في إصبع ثم يقول أنا الملك. Donc ce docteur, ce savant parmi les gens du livre, il a dit au prophète عليه الصلاة والسلام, ô Muhammad, nous avons trouvé dans nos écrits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il allait rassembler tous les cieux sur un de ses doigts, toutes les terres sur un autre, ainsi que tous les arbres, ainsi que toutes les mers et toutes les eaux qui se trouvent sur la face de la terre, ainsi que toutes les créatures. Il les rassemblera sur ses doigts, yawm al-qiyam. Et ensuite il dira, je suis le roi. Et ensuite il dira, je suis le roi. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a entendu cela, il a rigolé jusqu'à ce que on ait pu voir ses molaires. Et ceci afin d'approuver ce qu'a dit cet homme. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى. Et ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit وما قدر الله حق قدره. Ils n'ont pas estimé Allah عز وجل à sa juste valeur. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Et certes les terres ainsi que les cieux se trouveront dans sa main droite. Et gloire et pureté à Allah Azza wa Jal. Al-Aya. Wa qad jaa fi al-athar al-sahih alladhi rawahu al-imam al-bayhaqi fi kitabihi shu'ab al-iman an Abdillah ibn Mas'ud رضي الله عنه أنه قال Il est venu une parole du noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Cette parole qui est équivalente en termes de jugement à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Lahu hukmu al-raf. Donc ce savant Abdullah ibn ce compagnon Abdullah ibn Mas'ud, il dit بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام entre le ciel de ce bas monde et celui d'après, il y a une distance de 500 ans. وبين كل السمائين مسيرة 500 عام et entre chaque cieux, il y a la distance de 500 ans. وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام et entre le septième cieux et le repose-pied d'Allah Azza wa Jal, il y a 500 ans. Il y a une distance de 500 ans. وبين الكرسي وبين الماء مسيرة 500 عام et entre le repose-pied et l'eau, c'est-à-dire l'eau qui se trouve au-dessus du repose-pied, il y a une distance de 500 ans. والعرش فوق الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. Et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus de cette eau et Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus de son trône et il est parfaitement connaisseur de ce que fait chacun d'entre vous. ففي هذين الحديثين الصحيحين العظيمين بيان على صفة من صفات الله عز وجل التي هي العظمة. Et donc dans ces deux hadiths authentiques et énormes, il y a une clarification et une confirmation sur un des attributs d'Allah عز وجل. Un de ses attributs les plus élevés, qui n'est autre que l'attribut de la grandeur. فَهُوَ الْعَظِيمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ. C'est lui l'immense, qui n'a pas de, il n'y a pas de plus immense que lui. الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. C'est lui qui est capable, celui qui est capable de toutes choses. كل شيء تحت قهره وقدرته. Et toute chose parmi la création se trouve sous son autorité et sous sa puissance. مما يدل على انه هو المستحق للعبادة لا غير. فانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وان له صفات الكمال ونعوت الجلال. Et ceci indique que c'est Allah seul qui mérite l'adoration et qui n'a aucun associé. C'est à lui qu'appartient les plus beaux noms ainsi que les meilleurs des attributs. فالعلم بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أشرف العلوم بل هو أشرف العلوم على الإطلاق وأزكاها وأحسنها وأفضلها. Et la science qui concerne la connaissance d'Allah Azza wa Jal ainsi que de ses noms et de ses attributs est la meilleure des sciences d'une manière absolue et c'est la science la plus pure. Et c'est la science la plus élevée. وعبادته بها من أفضل الأعمال وثناؤه عليه بها من أفضل الأقوال. Et le fait de l'adorer par cette œuvre, c'est-à-dire la connaissance de ses noms et de ses attributs, fait partie des meilleures des œuvres. Et le fait de faire son éloge par ses noms et ses attributs fait partie des meilleures des paroles. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui vient à les mémoriser et à œuvrer en fonction de ce que ces noms recèlent comme sens, alors il entrera au paradis. Wa thamarat ma'rifatillah azza wa jal bi asma'ihi wa sifatihi kathira. Et les fruits qu'apporte la connaissance d'Allah azza wa jal par ses noms et ses attributs sont nombreux. منها زيادة خوف العبد من ربه وخوف عذابه. Cela, parmi les fruits de cette connaissance, le fait que cela rajoute de la crainte du serviteur envers son Seigneur. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, ceux-ci ne sont que les alliés de Shaitan par lesquels il veut vous faire peur. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si toutefois vous êtes croyants. Wa min thamarati hadha al-ilm al-sharif ziyadat mahabbat Allah fi quloub al-mu'minin. Et parmi les bienfaits de cette science, qu'elle rajoute de l'amour envers Allah Azza wa Jal dans le cœur des croyants. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. Et certes, parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux et qui les aiment comme ils aiment Allah. Mais certes, les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. نعم. ومن ثمرات هذا العلم العظيم الذي هو العلم بأسماء الله وصفاته أنه يزيد الثقة بالله وحسن الظن به. Parmi les fruits qu'apporte cette science, le fait qu'elle rajoute aux serviteurs de la confiance en Allah Azza wa Jal et une bonne pensée de lui. قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. الله سبحانه وتعالى dit, raconte-leur le récit de Nuh lorsqu'il dit à son peuple, si ma présence parmi vous ainsi que mon rappel des versets d'Allah vous gêne et vous pèse, alors sachez que c'est en Allah que je place totalement ma confiance. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً. Alors regroupez votre affaire contre moi. Regroupez-vous tous contre moi. Et ne me laissez aucun répit. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et si vous venez à vous détourner de moi, alors je ne vous ai demandé aucun salaire. Car certes, mon salaire n'incombe qu'à Allah Azza wa Jal. Et j'ai certes été ordonné de faire partie des muslimines. J'ai été ordonné de faire partie des musulmans. وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما في صحيح البخاري عليه رحمة الله أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. Et comme cela est venu dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, d'après une parole de Abdullah ibn Abbas qui dit, le fait de dire حسبي الله ونعم الوكيل, Allah me suffit et il est un bon protecteur. Ceci est la parole qu'a dit Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu. وقد قال الله سبحانه وتعالى في قصته وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الله سبحانه وتعالى دي. Et lorsqu'ils rusèrent, c'est-à-dire le peuple d'Ibrahim, et qu'ils l'ont jeté dans le feu, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Soit pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, lui et l'autre. Et qu'il l'a guidé vers une terre mubaraka, vers une terre bénie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bénie pour l'univers. Na'am. Wa kadhalika في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. Et lorsque Moussa s'est échappé avec les Banu Israël et qu'il s'est retrouvé nez à nez face à la mer et que Pharaon ainsi que toute son armée était en train de le rattraper. Certains parmi les proches de Moussa ont dit, certes, Pharaon va nous rattraper. Et Moussa, qui avait la science et la connaissance d'Allah Azza wa Jal, avec ses plus beaux noms et ses plus grands attributs, il a simplement dit, avec toute confiance, mais au contraire, il a dit, non, certes, j'ai avec moi mon Seigneur et il va me guider. وكذلك نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تؤمنون بعظمة الله وعظام قدرته. Et Isa, lorsque ses apôtres lui ont dit « Oh Isa, est-ce qu'il est possible que ton Seigneur fasse descendre sur nous une table servie ?» Isa leur répondit « Craignez Allah si toutefois vous êtes croyant. » C'est-à-dire si toutefois vous êtes croyant en la grandeur d'Allah Azza wa Jal et en son immense capacité. « Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi shani Muhammadin alayhi salatu wa salam illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نعم. Lorsque Allah سبحانه وتعالى évoquait l'histoire du prophète عليه الصلاة والسلام et son compagnon Muhammad lorsqu'ils étaient et son compagnon Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans la grotte, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, qui pensait que les mécréants allaient les retrouver, il a dit, la tahzan, ne t'inquiète pas, car certes, Allah est avec nous. Wa fil hadith sahih, ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnain, wallahu thalithuhuma. Et dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr à ce moment-là, oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes, dont le troisième est Allah azza wa jal. Na'am ya ibad Allah, fa ma'rifat Allah, بأسمائه وصفاته تثمر مثل هذه الأفعال الطيبة والاعتقاد الصحيح. Et donc, le fait de connaître Allah Azza wa Jal avec ses noms et ses attributs a pour fruit ce genre d'œuvre que nous venons de citer et ce genre de croyance et de certitude envers Allah Azza wa Jal. ولا يكون أحد منكم يسيء الظن بالله عز وجل وكذلك لا يعظم قدره فعظم قدر ربك يا أيها المسلم. Au contraire, valorise ton Seigneur, ô Muslim, ô toi le Muslim. وعظم شأنه في نفسك. Et agrandis son honneur en toi. نعم. ولا تكون كالذين كفروا. وأشركوا بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في شأنهم وما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فمعرفة الله بأسمائه وصفاته تثمر كل عمل صالح من قول وفعل ومن تمسك بسنة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والبعد عن الأهواء والبدع والخرافات والضلالات. Et donc le fait de connaître cette science, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, avec ses noms et ses attributs, comprend et implique énormément de bonnes œuvres, comme les actes d'obéissance, le fait de suivre la sunnah, le fait de s'éloigner de tout ce qui la contredit, comme égarement et comme innovation. فإن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسله إلا لتحقيق التوحيد والعمل بمقتضى أسمائه وصفاته. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas suscité ses messagers si ce n'est pour qu'ils appellent à la concrétisation de l'unicité, pour qu'ils appellent à l'adoration d'Allah seul sans rien lui associer. وما بعثهم لتحرير بقعة من البقاع كما يدندن بذلك كثير من الطوائف المنحرفة عن السنة المبتدعة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas envoyé ses messagers comme but en ayant pour but primordial de libérer une terre, وإن عظمت, même si cette terre là a énormément de valeur. نعم. Ceci comme a été pris comme en guise de slogan par de nombreuses sectes égarées qui contredisent le kitab et la sunna. Des sectes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala la ala basira wa la ala sunna. Des sectes qui n'adorent Allah azza wa jal, non pas, qui n'adorent pas Allah azza wa jal sur une science ou par science, ni en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. وإنما يعبدون الله بالحماس والعواطف والأهواء والبدع. Mais ce sont des sectes qui adorent Allah Azza wa Jal par les sentiments et par la fougue, ainsi que par l'innovation et les passions. فالعلم النافع والعمل به هو مقصود هو غاية المقصود هو غاية المقصود وغاية الفلاح ولا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح أولها كما قيل من بعد السلف. Et rien ne pourra améliorer cette communauté si ce n'est ce qui a amélioré les premières générations, comme avaient l'habitude de dire certains salaf. وكانوا يقولون في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et ils avaient l'habitude de dire au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit selon une traduction approximative, « Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Ses pieux prédécesseurs avaient l'habitude de dire « فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذِنْ دِينًا فَلَا يَكُنَ الْيَوْمْ دِينًا » Ce qui n'était pas, lors de la descente de ces versets, une religion n'en sera pas ou ne fera pas partie de la religion de nos jours. Ce qui ne faisait pas partie de la religion au temps de la descente de ces versets, c'est-à-dire au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ne fera pas partie de cette religion de nos jours. Na'am. Wa ma'a dhalika mahabbatan lil mu'minin wa asafan wa huznan ala ma yahsulu lahum min ash-shada'id wal fitan wal zalazil. Et malgré tout, de par amour envers nos frères les croyants et par compassion envers ce qui les touche comme malheur et comme épreuve. وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن نعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. L'exemple des croyants dans leur entente entre eux ainsi que dans leur compassion et leur miséricorde est comparable au corps. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. Si un membre du corps se plaint d'une quelconque douleur, alors ceci se propagera dans tout le corps, par la fièvre et par une gêne. فنقول اللهم عليك بأعدائك. اللهم عليك بأعدائك. اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمهم. اللهم ثبتهم. اللهم ارحمهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم فك أسراهم. يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين.